Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 20h. Radio. Coopération. Développement. Médias. Carrefour. Nord. Sud. Démocratie. Gouvernance. Propagande. Communication. Numérique. Information. Proximité. Quel modèle de développement pour les radios du Sud aujourd'hui? Une série d'émissions proposées par Réciproc, le réseau des spécialistes en ingénierie de projets de coopération. En partenariat avec la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Rendez-vous à l'espace culture de l'Université Lille, sciences et technologies, le 19 mars, pour une journée publique de conférences débats radiophoniques autour de la radio comme outil de coopération. Tout le programme, le détail, les invités, www.radiocoopération.com. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le rapateur qui écrive nos lois. Société caca, société pipi, société capitone et capitaliste. Société caca, société pipi. Arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM et vous écoutez La Voix sans Maître, l'émission de tous les anarchistes de la Terre. Et ce soir, comme Réro nous l'a si bien dit, nous allons commencer par l'agenda comme toutes les semaines. Après, on causera d'un bouquin peut-être et on causera... on reviendra sur la manif qui a lieu demain, et puis on causera aussi d'un petit peu de l'expulsion de la ZAD du testé, sans doute. Puis si on a encore un peu de temps, on causera encore d'autres choses. Voilà, on rappelle que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00, 03 20 91 24 00. Et du coup, on va commencer tout de suite cet agenda culturel et militant de la semaine à venir. Alors ça commence dès demain, ça commence demain à 11h au Centre culturel libertaire 4 rue de Colmar à Lille, métro Porte des Postes, avec un atelier d'arpentage, c'est-à-dire un atelier de lecture collective d'un bouquin, qui est le bouquin en question, ça sera « Rupture anarchiste et trahison pro-féministe » de Léothière Vidal. Et du coup, c'est à 11h au Centre culturel libertaire. Demain, toujours, il y a une manifestation à 14h30 à Montigny-en-Goële, rue Lassigny. Le rancard, c'est rue Lassigny. Et alors, du coup, c'est rancard avec, y a, suite à la mort, il y a 2 ans, de Lausin Haït Ogmar, le 28 mars 2013 à Montigny-en-Goële, qui était tué de 5 balles par la police. Et où, du coup, là, c'est 2 ans après une marche. Je vous lis vite. Fait l'appel à la manif. 2 ans et toujours pas de changement. Le 28 mars 2013 à Montigny-en-Goële dans le Pas-de-Calais, Lausin Haït Ogmar est tué dans sa rue de 5 balles par la police. C'est le 3e jeune de ce quartier abattu par les policiers. Comme d'habitude, les flics se cachent derrière la légitime défense et les médias salissent la mémoire des victimes. Alors qu'une fois encore, un jeune issu d'un quartier populaire est assassiné. Comme toujours, les familles restent seules face au silence de la justice et de l'État. Le 19 mars aura lieu, 19 mars 2015 du coup, aura lieu une décision importante concernant le dossier de Lausin. En effet, la juge d'instruction a refusé une reconstitution et veut clôturer le dossier, alors que dans presque tous les cas où il y a homicide, il y a une reconstitution. Pourquoi ce refus? Y a-t-il quelque chose à cacher? Pour soutenir la famille et montrer que nous exigeons la vérité sur la mort de Lausin, soyons nombreux et nombreuses. Et n'oublions pas les autres personnes tuées sous les coups et les balles de la police. Du coup, le rancard, c'est demain 14h30, départ de la rue Lassigny à Montigny-en-Goële, à côté de la fosse 7, et il y a un rancard pour un covoiturage qui part de Lille. Le rancard, c'est 13h15 devant l'insoumise. Du coup, l'insoumise, c'est rue d'Arras, à l'entrée de la rue d'Arras à Lille. Et du coup, le rendez-vous, il est à 13h15 pour partir de Lille en covoiturage. C'est pas mal de venir avec une voiture si vous avez une voiture. On enchaîne cet agenda avec un spectacle qui aura lieu dimanche 15 mars, le temps passe vite, à 21h, toujours au Centre culturel Libertaire, avec un spectacle qui s'appelle Le Joker, qui est une performance schizophrénique salam glam rock, qui promet d'être très chouette, et c'est dimanche à 21h. Lundi 16, comme tous les lundis, on peut venir manger au CCL le midi, entre midi et 14h. Là, ce sera un menu avec de la soupe à l'ail en entrée, une tagine vegan pour le plat principal et ensuite un gâteau aux pommes. Mardi 17 mars à 10h, Douai, rendez-vous place Barlet pour une manifestation qui s'appelle « Pas d'unité nationale, mais l'unité contre la loi Macron ». Le capitalisme dicte sa loi et l'État l'applique. Résistance. Les communistes libertaires de la CGT appellent les communistes libertaires anarchistes, toutes et tous, à rejoindre la manifestation contre la loi Macron à Douai le mardi 17 mars à 10h, place Bardet. Et le texte d'appel rappelle que la loi Macron, c'est la sécurisation juridique pour les patrons voyous, l'incitation au licenciement, l'allongement du temps de travail, la pénibilité au travail de nuit non reconnue, les prud'hommes, l'inspection du travail et la médecine du travail balayée, et encore plus de privatisation. Bref, comme au 19e siècle, une vraie loi de classe. Rancard, du coup, à Douai le 17 mars. Mercredi 18 mars, comme tous les mercredis à 18h30, c'est la manifestation du comité des sans-papiers 59 en lutte. Et du coup, rancard, place de la République, 18h30, mercredi, comme tous les mercredis de l'année. Alors, le mercredi... Attends, ouais. Vas-y, je t'en prie. Le mercredi aussi, 18 mars, à 21h au CCL, il y a un concert avec deux groupes, donc il y a Marche, donc c'est une mise en musique de texte d'Henri Michaud, de Bruxelles, et ensuite il y a Mouche, donc c'est du hip-hop de Lille. Jeudi 19 mars, et bah, comme tous les jeudis matins, il y a un petit déj vegan au CCL, entre 7h et 9h30, et toujours ce jeudi 19 mars, à 20h, cette fois, il y a encore une cantine vegan par la cantine du Mange-Matin à 20h, de 20h à 22h, jeudi. Et si on ne sait pas quoi faire et qu'on n'a pas envie d'aller manger à l'insoumise le jeudi 19 mars, on peut venir au CCL où il y aura un truc, une lecture qui s'annonce assez chouette. Le reste aussi, ça a l'air chouette, mais ça a l'air chouette aussi. Par une compagnie qui s'appelle À l'évidence, trois petits points, qui est la lecture d'un texte qui s'appelle Le bar sous la mer, qui est un texte de Stefano Beni. Et du coup, c'est une lecture spectacle. Voilà. Le vendredi 20 mars 2015, donc il y aura une cantine vegan au CCL. Alors en entrée, on a du fromage frais. En plat principal, de la pizza miam. Et en dessert, une charlotte. On va manger charlotte. Yes. Yes. Et du coup, toujours ce vendredi 20 mars, cette fois en soirée à 19h, toujours au Centre culturel Libertaire, 4 rue de Colmar à Lille, il y aura une discussion-débat qui s'intitule « Féminisme et abolitionnisme de la prison ». Et du coup, l'idée, c'est de refaire une suite d'une discussion qui avait eu lieu pendant le festival féministe EBIM. C'était une discussion qui avait lieu en non-mixité et qui aura lieu cette fois en mixité. Ouais, c'est ça. C'est pas la... Enfin, si, c'est une continuité. C'est surtout qu'en fait, là, on l'a fait en mixité. Donc voilà. C'est la suite, et... ouais, mais pas vraiment. La même, la suite. Mais pas vraiment. Voilà. Ouais. Bah, de toute façon, une discussion, c'est quand même rarement deux fois totalement la même chose. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Du coup, vous pouvez revenir au CCL le vendredi 20 mars. Et... À 15h, il y a l'atelier surréaliste. Le samedi. Le samedi. Le samedi 21, je ne l'avais pas vu, c'est en tout petit. Voilà. Au CCL, à 15h, il y a un atelier surréaliste. Et toujours aussi le samedi, à 16h par contre, à l'Insoumise, donc au 10 rue d'Arras, il y a une assemblée générale contre l'expulsion. Comme d'autres lieux d'activité ou d'habitation sans droit ni titre, l'Insoumise est menacée d'une expulsion imminente. Les huissiers rôdent et la police veille. Alors retrouvons-nous en AG pour organiser l'offensive et pour ne pas laisser prendre paisiblement ce qu'il nous reste d'espace non marchand. Ramène ta motive, tes idées, tes banderoles et tes sauts de peinture. Et du coup, c'est la fin de cet agenda. Et du coup, on va passer un petit morceau de musique. Et on rappelle que vous pouvez nous appeler du coup pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00. À tout de suite. Aïe. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Écoutez du coup Georges Moustaki, c'est ça, et on est ça. Toujours sur la voie 100 mètres, sur Radio Campus 106.6 FM. Et du coup, tout de suite, on va enchaîner avec une petite chronique de bouquin d'un livre qui s'appelle Assassin Royal. Assassin Royal, ouais. Voilà. Voilà, de Robin Hood. Alors, en fait, ça. Pourquoi j'introduis ce livre ? En fait, c'est juste. Je réfléchissais, je me disais, ah, des fois, c'est bien d'avoir des petits livres qui sont des espèces de sucreries, en fait, qu'on lit, qui nous font sortir, je sais pas, de la terre ou quoi qu'est-ce, de nos idées, nos pensées néfastes, noires ou quoi. Et du coup, je voulais introduire ce livre, donc, de Robin Hood, Assassin Royal, qui est de l'heroic fantasy. Et pourquoi ? Enfin, sans rentrer dans les détails de ce livre, pour si vous avez envie de le lire. Pas trop expliqué. Ce livre en fait est intéressant parce qu'il pose pas mal de questions à mon sens Des questions féministes, en fait, et aussi des questions antispécistes. Et en même temps, c'est pas quelque chose, c'est pas un essai qui va faire « Pouah ! Allez, lis-moi ça dans ta fesse ». Du coup, en fait, voilà, pour la petite histoire, on suit Fitz. Fitz, c'est le bâtard du prince héritier. Donc, je dis bâtard parce qu'en fait, c'est un mot qui va le joindre tout le long du livre. D'ailleurs, c'est une saga de 13 livres qui se lit très, très facilement, en fait, et juste une petite sucrerie. Et bref. Et en fait, donc, Fitz, donc, qui est le bâtard, en fait, va devenir lui-même assassin. Et du coup, on le suit tout le long des livres, en fait, on suit son personnage qui évolue, en fait, de ses 6 ans à son âge d'adulte, en fait. Et en fait, il a le don du vif. En fait, il parle avec les animaux. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on a vraiment comment pourrais-je expliquer ça ? En fait, c'est intéressant parce que il y a une espèce de réflexion sur l'animal où juste c'est pas ah tiens c'est mon chien, c'est mon truc. Non, c'est plus est-ce que l'animal, est-ce qu'il doit être en liberté, est-ce qu'il a ses propres choix et tout ça. Donc enfin. Ça donne des pistes, en fait, antispécistes, très intéressantes. Et ensuite, je voulais aussi parler des idées féministes, en fait, même si l'auteur ne se revendique pas comme féministe. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, en fait, c'est que ces personnages femmes, en fait, elles ont vraiment une place. Et je faisais pas mal de liens avec Game of Thrones, vu que j'ai souvent entendu dire que c'était un roman, une saga féministe, et moi je trouve pas, parce qu'en fait les femmes, elles sont, enfin l'image des femmes est dégradante à l'intérieur, en plus de ça, les dialogues sont pas forcément très intéressants, et à contrario, en fait justement dans Assassin Royal, les dialogues des femmes sont vraiment très intéressants parce que juste elles font pas faire que parler des mecs quand elles sont entre elles. Non, elles parlent botanique, elles parlent de leurs petits problèmes, elles parlent de leur maison, de leur vie. Enfin voilà, et c'est des femmes fortes. Et en fait, on peut avoir des femmes soldats, on peut avoir des femmes. Enfin voilà, c'est des femmes qui ont un rôle égal avec les hommes. Et c'est très intéressant. Du coup, cette position qui n'est pas, rabaissante. Et je me suis demandé pourquoi, en fait. Et après avoir fait des recherches, justement, sur l'heroic fantasy, je me suis rendu compte que beaucoup d'auteurs étaient des hommes. Et là, pour le coup, Robin Hood, c'est une femme. Alors voilà, elle cherche pas à faire un roman féministe, mais forcément, comme c'est une femme, il y aura quand même une visée un peu plus féminine. Après, qu'on me dise pas ce que je ne veux pas dire, comme quoi des hommes ne pourraient pas être féministes, c'est pas ce que je crois non plus. Mais voilà. Donc je sais pas, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, parce qu'en fait, pourquoi j'avais envie d'en parler, c'est parce que là, il me suit, et moi-même, j'étais un peu perdue dans des essais, des trucs philosophiques, théoriques, et j'en avais marre, et au final, on m'a proposé de lire Assassin Royal, et c'est trop bien. Des fois, j'allais me coucher à 21h, et puis je restais là jusqu'à 4h du matin à lire, tellement c'est fabuleux. Et en fait, on est emmené dans un autre monde où il y a de la magie, les personnages qu'on suit, Fitz, on le déteste, on l'aime, et en même temps, on le suit du début à la fin. Et au final, on est d'accord avec lui, jusqu'à pouf, on n'est plus d'accord. Et en fait, non, mais l'auteur, elle arrive à nous faire emmener dans un délire qui est assez incroyable. Donc voilà, je ne spoil pas la fin là, parce que j'ai l'impression que tu t'emportes là, non, et tu vas nous spoiler. Alors j'avais une question, Lenny, est-ce qu'il est au CCL à la Bibli ? J'ai pas vu tellement de séries de 13 bouquins, du coup je dirais non, mais... Oh non. Non mais ouais, pour le coup, en fait c'est vrai que je voulais pas trop... C'était une demande que j'avais faite de pas forcément parler de livres qui sont ni au CCL ou quoi qu'est-ce, mais juste des livres, si vous avez l'occasion de tomber dessus, de choper ou quoi qu'est-ce, qui peuvent faire un peu du bien. Parce que des fois ça fait du bien aussi de sortir de livres, théoriques ou quoi qu'est-ce. Voilà. All right. Et du coup, peut-être on va s'enchaîner avec un petit morceau de musique. On va s'enchaîner avec un morceau de Kazay, un morceau qui s'appelle La créature ratée. espèce peut avancer sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé. Moteur, d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie. Frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin. Baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sujet du Tout-Puissant, se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine, et leur sexe et leur sein, et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier, et trier la canne à sucre tout en souriant. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est planté en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes, parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. La créature ratée. Être la créature ratée. Et on est toujours sur Radio Campus 106.6 FM, la radio 100 mètres. Et là, tout de suite, nous allons parler des expulsions qui se passent au Testé et qui se sont passées au Testé. Ouais, écoute, c'est ça. On va parler de l'expulsion qui a eu lieu vendredi dernier après-midi dans la ZAD du Testé, qui est du coup dans le Gard, une zone à défendre où il y avait une zone humide. On recausera des zones humides tout à l'heure, où il y avait des gens qui étaient occupés pour qu'il n'y ait pas un barrage qui se construise, et du coup qu'il n'y ait pas un barrage à la place de la nature qu'il y avait là, et un barrage qui est destiné de l'agriculture intensive. Et du coup, bon, il y avait des gens qui étaient là depuis un moment, plusieurs années, notamment depuis cet été où il y avait déjà eu des tentatives d'expulsion. Et puis en fait, ils étaient vraiment plus beaucoup, puisqu'ils étaient quelques dizaines, entre 30 et 40 la semaine dernière. Et surtout, ce qui était assez frappant, et c'était peut-être ça qui était le plus significatif, c'est que depuis une semaine, il y avait la FNSEA, du coup un syndicat d'agriculteurs particulièrement dans ce qui se fait de l'agriculture, de défense de l'agriculture intensive, qui faisait des milices, c'est-à-dire qui avait qui bloquait les routes d'accès à la ZAD en espérant du coup faire un siège de cette ZAD. Du coup, il y avait les différentes fédérations départementales qui se sont relayées jour et nuit pour bloquer les routes, et qui ont mené différentes attaques à la barre de fer, aux manches de pioche, contre les personnes qu'occupaient la zone à défendre. Bon, voilà, du coup, c'était particulièrement tendu, et du coup, le Conseil Général a revoté l'utilité d'un projet de barrage le vendredi, projet de barrage qui a été divisé par deux en termes de capacité, mais du coup qui a été quand même validé. Et dans l'heure d'après, les CRS qui étaient déjà sur place pour faire tampon entre les miliciens de la FNSEA et les occupants de la ZAD ont évacué tout le monde. Alors ce qui était particulièrement intéressant, une analyse qui était particulièrement intéressante de ça, c'est d'un type qui s'appelle Yanis Youlountas, qui est du coup un grec, comme son nom peut le faire un peu entendre, et qui du coup faisait l'analyse que lorsque Hollande il laisse faire des miliciens pendant une semaine commettre des actes de violence, attaquer des gens alors que les forces de l'ordre sont là et ne bougent pas, plutôt que et du coup laisse pourrir une situation comme ça, il fait la même chose que le gouvernement grec qui du coup utilise les milices d'extrême droite pour du coup semer le désordre, faire le boulot de la police qu'elle veut pas faire, du coup notamment des destructions illégales, et mais du coup créer aussi des situations de violence et du coup faire une situation qui est suffisamment confuse pour que une fois que la police s'en charge et finit le travail qui était fait en grande partie par les miliciens d'extrême droite, et ben du coup la police arrive comme le sauveur dans cette affaire-là, qui bon finalement c'est quand même un peu mieux de se faire virer par des policiers qui pour le coup ont maîtrisé leur violence plutôt que par des miliciens qui y allaient à la barre de pioche et ou qui menaçaient de s'en prendre à des gens à coups de tronçonneuse. Du coup ça c'était la première analyse qui était plutôt assez intéressante de ça. Et après, ouais, du coup, le deuxième truc sur lequel je voulais parler à propos de ces histoires de ZAD et de zones à défendre, et notamment de zones humides, je voulais revenir sur deux textes. Un texte qui a été qui est paru sur le site du coup de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes contre la construction d'un aéroport à côté de Nantes, et qui s'appelle « Construire l'avenir sans aéroport, sortir du bois, rentrer dans le dur ». Et un autre texte qui a été publié notamment dans un journal qui s'appelle De tout bois, qui est une revue de lutte contre le Center Park de Roy-Bon, et qui parle aussi un petit peu du testé, un texte qui s'appelle Les zones humides, on n'en a rien à foutre. Et en fait, ces deux textes, ils ont vraiment des points communs, et du coup, c'est ça que je voudrais un chouïa expliquer. Le texte du coup de Notre-Dame-des-Landes, il a été écrit par des gens qui se sont installés dans le bocage nantais, enfin de Notre-Dame-des-Landes, et qui vivent là-bas, et qui du coup ont passé l'hiver là-bas, et qui notamment ont mené toute une réflexion sur l'usage du bois, l'usage des sous-bois, des haies, du bois pour chauffer, pour faire la cuisine, pour faire tourner un four à pain, tout un tas de choses comme ça, mais du coup de réfléchir à cet usage du bois de manière collective. Et du coup, ils réfléchissent aussi à qu'est-ce que c'est du coup leur place ici, et le fait de dire que en fait ce qu'ils défendent c'est pas la nature, mais c'est enfin en tout cas c'est pas une nature qui est vide, c'est une nature où l'homme a sa place dedans, et où en tout cas il n'y avait pas rien avant qu'il y ait une occupation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Peut-être je vais vous en lire juste quelques extraits, et puis on commentera après. Alors le texte, j'en lis quelques extraits du coup. Le conflit qui nous oppose à l'État et à Vinci a précipité depuis l'échec de l'opération César une forme de sécession que nous assumons. Toutes ces infrastructures communes que nous construisons visent à l'autonomie politique, à la construction d'un mouvement qui, d'une part, combat les logiques marchandes, gestionnaires et policières, et qui, d'autre part, cherche à construire des lieux, à esquisser des communes, à habiter des territoires où il est possible de s'en affranchir. Nulle quête d'autarcie, ce repli cauchemardesque, il s'agit, depuis ce bocage, de participer à un mouvement révolutionnaire qui déborde le territoire de la ZAD. Habiter la ZAD, pour nous, c'est construire une puissance collective capable de tenir le territoire face aux flics et aux machines, mais aussi de répondre collectivement à nos besoins et se projeter sur le long terme. Notre manière de l'habiter s'oppose à la morale écologiste qui légitime les nouveaux gestionnaires. Si nous assumons de vivre ici, d'habiter dans ce bocage, ce n'est pas pour le transformer en musée où on aurait le droit de toucher qu'avec les yeux. Loin de nous l'idée d'une nature à protéger, le bocage n'est pas un milieu naturel. Il est le résultat d'une histoire, de la façon dont les habitants d'un territoire vivent avec ce qui les entoure. On veut prendre soin de lui, non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il nous appartient. Non, non pas parce qu'il est fragile, ni parce qu'il nous appartient, pardon, mais parce qu'on vit dedans. L'homme et la nature ne doivent pas être considérés comme séparés. Nous plantons, nous récoltons, nous construisons, nous habitons et luttons dans un même élan. Les différents pans de la vie sont inséparables. Couper un arbre vivant pour construire une cabane ou un hangar et planter une haie bocagère sur une parcelle occupée sont des gestes indissociablement liés. Et du coup, dans ce texte, ce qui me semblait justement important, c'était cette idée-là de dire que ce qu'on cherche pas à protéger, c'est une nature vide et qu'on cherche pas à en faire un musée. Et du coup, à créer une zone qui soit une zone vide d'usage et qui soit un espèce de petit sanctuaire de nature dans un monde qui était complètement bouleversé et complètement industrialisé par hasard. Parce que ça, du coup, il pourrait y avoir ce genre de truc où on garde des toutes petites portions de monde qui seraient un espèce de succès d'année de nature et pour légitimer le fait qu'on détruise tout le reste à côté. Et du coup, le texte, il faisait rebond à ce texte qui s'appelle « Les zones humides, on n'en a rien à foutre », qui justement revenait sur cette histoire-là et venait sur l'histoire que rien que le concept de, en fait, de zone humide qui a été beaucoup mis en avant, notamment OTST pour la défense, pour la lutte contre le barrage, en fait, le concept de zone humide, c'est un concept technocratique où, en fait, il n'y a pas... Une zone humide, ça veut rien dire, quoi. Il y a que des technocrates qui emploient ce vocabulaire-là. C'est que c'est une forêt, c'est un marais, c'est des bestioles, c'est tout un tas de choses comme ça. Mais c'est pas une zone humide qui serait une espèce de truc comme ça. Du coup, je vais, si on a un peu le temps encore, je vais relire 2-3 passages de ce texte à nouveau. Et puis après, on... C'est tout, on parlera pas de Battisti, c'est tout. Ouais, je finis avec ça, mais je lis quelques extraits quand même de ce texte-là qui est plutôt pas mal. Les arbres tombent et les opposants restent. À la fin du déboisement, la résistance au barrage du Testé a pris un nouveau cours. Pourtant, elle parle toujours le même langage, celui du moratoire de la contre-expertise, tenu par les écologistes légalistes du collectif Sauvegarde du Testé. Ce collectif a vu disparaître avec la zone humide, parce que du coup, lors de l'été dernier, il y a bien eu le rasage de tout ce que ce collectif... voulait défendre, du coup préserver un truc qui a été rasé, là c'est ça qu'ils sont en train de dire, qu'il y a tout un collectif qui est en train de faire ça. Donc ce collectif a vu disparaître avec la zone humide son argument principal de protection et de conservation de la nature, pourtant la lutte continue. Et au-delà de l'écologie, sur quoi se fonde-t-elle? Il ne s'agit pas même de... Attends, est-ce que je... excusez-moi, ouais, je m'embrouille. Un petit peu perdu, Lénie. Je suis presque embrouillé dans mon texte, où j'essaye de couper comme ça. Le calque des stratégies écologiques sur les stratégies économiques a efficacement donné sa mesure, et il existe aujourd'hui 2 types d'enclosures. Celle qui aménage un territoire parce qu'il est insupportable qu'un lieu sauvage le demeure, et celle qui aménage un territoire parce qu'il est insupportable qu'un lieu sauvage ne le soit plus assez. Les uns construisent des barrages, des zones industrielles et des décharges, les autres délimitent des parcs naturels, des zones humides et des conservatoires. Dans les deux cas, l'espèce humaine est priée de devenir spectatrice d'une nature distante, qu'elle soit instrumentalisée ou protégée. Ces foutaises ne nous amusent plus. Les beaux jours de l'écologie, l'autorité apparente dont jouissent ces arguments, reflètent le développement d'un sentiment de la nature, ici justement de la fêlure de plus en plus profonde qui sépare la nature de l'homme. Il n'y a pas plus amoureux de la nature que l'urbain désespéré qui n'y vivrait pour rien au monde. Depuis les débuts de l'écologie, cette ambiguïté a fait l'objet de critiques virulentes de la part de ceux qui, par la vie et la pratique, mettraient le plus vigoureusement en œuvre ces principes. Je vais juste arrêter de lire parce que je m'embrouille, mais juste... Il a l'air super cool, ce texte. Il est vraiment bien, et on peut le trouver dans un petit journal qu'on peut trouver au CCL. Ah bah voilà. Et voilà. Et juste, pour pas finir sur une page de pub, je voulais juste revenir sur la conclusion de ce texte qui est quand même plutôt... qui revient du coup, pareil, sur le texte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La prolifération des, et qui me semble une espèce de punchline dont Booba il a pas osé faire pareil, la prolifération des nuisances et des écologistes dans la société industrielle va de pair. Ici, comme il y a encore très peu de nuisances, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des écologistes. Nous n'en sommes pas, nous habitons ici et nous vivons libres et heureux. Bon voilà, c'était ouais, ça qu'on voulait. Aïe aïe aïe. Désolé pour cette fin un peu chaotique. Et on écoute de la musique, non? Ouais, c'est ça, on va écouter François Béranger. Tranche de vie. Et ouais, on voilà, rappelle que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales. Au 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00. A tout de suite. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander. Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie. T'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à fouetter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruyant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Sur la maison Poulaga, agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Voilà, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé. J'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé à leur balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons. Enfin quoi, vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse. Rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse. Mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chansons et des ballets et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et vous écoutez toujours La Voix sans maître. Et du coup, qui va continuer en revenant sur la manif qui a lieu demain à Montigny-en-Goële. Et du coup, on va recoser un petit peu de l'histoire de la mort de Lahousine Haït Okmar. C'est ça ? Tout à fait. Donc voilà, donc moi je reviens sur cette triste histoire, mais qui heureusement mobilise pas mal de gens. Donc Léni vous a lu l'appel tout à l'heure. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer trois extraits de la très bonne émission de Zabzalap qui date de 2013 pour laisser la parole en fait à la famille de Lahousine. Voilà, donc il y aura trois extraits, hein, on va essayer de les passer le plus... sans qu'il y ait de petits accros entre, hein, on vous promet rien. Puis en plus, ce jour-là, il faisait beaucoup de vent. Alors, il faut être très attentif à... voilà. Lahousine, 26 ans, vient d'être abattue par la police de 5 balles dans le corps. Comme d'habitude, les journalistes ont joué les auxiliaires de police. Ils ont avant tout relayé la voix des forces de l'ordre et de leur syndicat. On a pu voir de quelle manière les médias ont construit la figure du délinquant pour justifier ce meurtre. Et de quelle façon l'attention des journalistes a été focalisée sur les quelques vitrines brisées ou les palettes cramées. La réaction des jeunes du quartier est décrite comme violente, alors que l'exécution par 4 policiers de Lahousine, qui était pourtant seul, est légitimée. Nous avons rencontré la famille de Lahousine, qui est sous le choc aussi, par tout ce qui a pu être dit sur leur fils. Nous leur apportons ici tout notre soutien. En France, la police tue, et les victimes sont systématiquement issues des quartiers populaires. Lahousine a été abattu devant chez lui, à Montigny, en Goële, au cœur du bassin minier. Ce soir, Zabzalap donne la parole à la famille et aux amis de Lahousine. De la marche silencieuse, le père de Lahousine face au commissariat. On demande que de la justice, on demande que la justice soit faite. Et c'est honteux d'avoir des problèmes ici. C'est à la crise, c'est pas nous qu'on l'a posé. La crise, il est venue d'elle-même. Et c'est eux qui l'ont foutu. C'est eux qui ont foutu la crise, et c'est pas nous. Et pourquoi qu'on attaque toujours les jeunes? Il y a une omerta. Ces policiers qui outrepassent leurs droits, qui se cachent derrière l'uniforme pour tuer des jeunes qui ont tous un point commun, je vous le rappelle. Ils sont tous issus de l'immigration et tous issus de quartiers populaires. Il y en a marre! Une bavure policière, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Suite agonie pour 80% d'affaires, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles Amal ? Ouais, Amal Bentounsi. On t'a entendu tout à l'heure à la manifestation. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé et en quoi cette histoire, elle te touche d'une certaine manière personnellement aussi ? Je suis un membre du collectif Urgence Notre Police Assassine, un collectif qui regroupe plusieurs familles de victimes qui ont été victimes donc, de violences et de meurtres policiers, donc indirectement, vu qu'on a tous perdu un être. Et donc on est là pour crier à cette injustice et à cette impunité. Et on a envie que ça s'arrête et que le gouvernement, l'État, nous entende et qu'ils arrêtent de nous mépriser, puisque c'est ce qu'ils font depuis quelques années. Et systématiquement, ils rendent coupables ces victimes qui ne sont plus là pour se défendre. Et ça devient de plus en plus grave. Aujourd'hui, l'importance, c'est de s'organiser pour pouvoir lutter contre ça. Et dire à ces gens qui nous gouvernent qu'il y a en France des policiers qui commettent des crimes en toute impunité. Il faut que ça s'arrête, il faut que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur se positionne. Si la Cour européenne a condamné la France autant de fois, c'est qu'il y a des raisons. Et donc on a envie de nous faire croire le contraire. Donc il faut enlever les œillères et Et il faut maintenant mettre un holà à tout ça, puisque c'est partout en France, et c'est un mort tous les 15 jours tué par la police. Et ils ont tous un point en commun, ces jeunes-là, et ces moins jeunes. Ils sont tous issus de l'immigration, et tous issus de quartiers populaires. Et donc, il y a un point en commun, et ça, c'est la vraie question. Pourquoi cette police se permet de tuer ces gens-là et qui bénéficient pas de cette justice plus que charitable, puisque c'est de quoi ils bénéficient aujourd'hui. L'actualité nous le démontre avec tous les non-lieux qu'il peut y avoir un peu partout en France. L'affaire de Ali Ziri, l'affaire de Mamadou Mariga. Voilà, il y a plein d'autres affaires. L'affaire d'Hakim Hajimi, où ça a été un procès, une condamnation avec 18 mois de sursis. Et ces policiers, ils ont fait appel. Donc c'est scandaleux vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de ces victimes qui ne sont plus là pour se défendre. D'accord. Pourquoi tu as monté ce collectif ? Alors moi, j'ai monté ce collectif parce que moi, j'ai été touchée personnellement. Moi, ils m'ont enlevé... Ils m'ont retiré ce que j'avais le plus cher au monde, puisque mon petit frère Amine a été tué d'une balle dans le dos par un policier en date du 21 avril 2012 à Noisy-le-Sec. D'ailleurs, le 20 avril de cette année 2013, j'organise la commémoration pour se rappeler qu'à ce moment-là, on a tué un homme d'une balle dans le dos. Donc ce policier a été mis en examen, a eu comme chef d'inculpation le plus lourd, qui est homicide volontaire. Malgré tout ça, malgré un chef d'inculpation qui est aussi lourd, ce policier a été muté et bénéficie de son salaire. Donc voilà, donc allez comprendre où est la justice. Est-ce que c'est normal ? Parce que vous, demain, vous commettez un meurtre. Moi, par exemple, aussi, je serais mis en examen, mais je serais en détention provisoire. Donc, pourquoi ces policiers sont au-dessus des lois ? Donc, il y a une justice à deux vitesses, et c'est ça qu'il faut changer. Quand on est entre les mains de policiers, on peut mourir en France. Et surtout, si on n'a pas la bonne couleur de peau, si on n'a pas issu du bon quartier, et si on est pauvre. Donc voilà, c'est très grave. Et il faut que maintenant les gens réagissent, il faut qu'on se bouge. Voilà. Tu peux rappeler, c'est quoi ton site internet ? Urgence, notre police assassine.fr. D'ailleurs, je tiens à rappeler que M. Valls a porté plainte contre mon site internet et contre moi-même. Merci beaucoup. C'est moi. Bonjour, vous êtes un cousin de Laoucine ? Écoutez, ça fait 40 ans que je suis là dans la région, on va dire. Même si en ce moment j'officie en région parisienne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est au cœur du bassin minier, à Montigny-en-Goële, qui a connu, comme l'ensemble du bassin, une très grave crise économique ces 20 dernières années, où les taux de chômage dépassent les 30 ou 40%, voire plus de 50% dans certains quartiers, comme celui-ci, que l'on appelle vulgairement le quartier de la Plaine, mais aussi la Fosse 7. La Fosse 7, donc, c'est la référence historique à un puits de mine où énormément de travailleurs d'origine maghrébine et polonaise sont venus officier pendant près de 40 ans pour l'enrichissement commun. Malheureusement, suite à la désindustrialisation du pays et à la grave crise économique que l'on subit ces 20 dernières années, le chômage bat des records et a provoqué de la mini-délinquance, mais relativement bénigne et sans répercussion véritable pour le voisinage ou pour la sécurité des riverains. Malheureusement, vu les concentrations de Français d'origine maghrébine, qui représente une visibilité notable dans l'espace public, on a constaté depuis une quinzaine d'années une certaine aversion des forces de sécurité, notamment de la police locale, envers ces quartiers. Je lâche le mot, qui a une vision coloniale des choses, qui a une mission coloniale, et qui cherche d'abord à insécuriser les habitants, notamment d'origine maghrébine, à les enquiquiner sous moult prétextes, et a provoqué une certaine insécurité mentale et une certaine peur de ses habitants envers des forces de sécurité qui sont normalement payées par nos deniers publics pour les protéger. Malheureusement, on comprend que dans cette société, au nom de la crise économique, on se permet beaucoup de choses. On a compris, nous, qu'il y a un rapport de force à mettre en place et que, contrairement à ce que les autorités veulent bien nous faire croire, ce n'est pas nous qui ne marchons qu'à la violence, c'est le système. Ce système ne marche qu'à la violence, ne marche qu'au rapport de force. Et lorsque le rapport de force est inversé, la négociation est possible. Donc malheureusement, si on nous pousse au rapport de force, on prendra cette marche. On se battra pour notre dignité. Notre dignité est non négociable. Notre dignité tout à fait louable. Et on se battra pour. On se battra parce que malheureusement, dans l'histoire humaine, chaque communauté a pu accéder à la dignité que par le combat. On ne nous a jamais rien donné. Et il ne faut pas s'attendre qu'on nous donne quelque chose. On prendra ce qu'on nous doit. Qui pue de la gueule, qui prétend m'empêcher de foutre le sbeul. Bord criminel, protégé impuni, enfoiré qu'on en voit rarement, zombie. Lâche acquitté, au-dessus des lois, faf complexé qui ne parle pas mais aboie. Sale chien, tiens, tu peux ronger ton os. Que le pouvoir te donne, espèce de bolos. File tout droit, ne te rebelle pas, ne conteste pas, ne te soulève pas. Du côté des bourges, des riches, de l'État, allez vas-y bouge, tu triches en état d'ébriété, alcoolique, mal dans ta peau, crève, suicide-toi dans le comico, auteur de crimes racistes et sécuritaires, flic de Paname, t'es un cauchemar pour mes frères. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname, t'es qu'une pauvre merde lamentable. T'es qu'un loser, une cause perdue, un enfoiré de peur, un sale vendu. T'es qu'un flic de Paris, un sale flic de Paname, un sale connard, un minable. T'es qu'un mytho, un taré, un schizo, un psychopathe, un bâtard de la patte. T'es qu'un flic de Paname, un pauvre type. Et tu l'as choisi, sale larbin. Tu vas t'en taper des pavés, des parpaings. T'es qu'un flic de Paris, port assassin. T'aimes ça, hein, espèce de frustré. Quand tu attones, après tu t'étonnes de te faire insulter. C'est clair, les règles sont fixées. Fuck les militaires et leurs frères policiers. Je t'ai pas dans la dentelle, vu que toi tu prends pas de gants. Comme Charles Martel, comme au bon vieux temps. La Seine-Saint-Denis, c'est pas joli, c'est navrant. Nostalgie, les colonies, c'était mieux avant. Tu flippes, tu rumines, t'as l'œil bovin, tu pues le vin et l'urine. D'ailleurs fais attention, c'est courant, c'est connu. En plus d'être con, très souvent t'es cocu. Tu déblatères les plus grosses des conneries. Remplis les charters de Roissy à Orly. Donc logique, les terroristes sont de sortie. Les carottes sont cuites, les poulets sont... Les six salauds, va me les chercher, je les ai devant moi pour leur cracher à la figure, ces deux, les assassins. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et on écoute toujours La Voix sans maître qui se termine. Et du coup, après avoir causé de la manif de demain, on peut rappeler le rancard peut-être, c'est... Donc bah, rendez-vous demain à 14h30 au départ de la rue Lassigny à Montigny-en-Goële, donc dans le 6-2 Fossette, et à 13h15 devant l'Insoumise rue d'Arras pour un départ en covoiturage. Voili voilou. Et du coup, on écoutait quoi On écoutait Première Ligne avec un morceau qui s'appelle Flic de Paname. Voilà. Et on va terminer cette émission en un petit brève sur Battisti. Voilà, c'est ça. Donc Battisti qui a été arrêté au Brésil et qui a été en fait libéré ce matin. Donc apparemment, c'est une petite blague. Il a eu, à mon avis, plus peur que de mal apparemment. Et Donc pour ceux qui savent pas qui c'est Cesare Battisti, c'est un membre italien des prolétaires armés pour le communisme, le PAC. Et alors qu'est-ce que c'est le PAC ? C'est un des nombreux petits groupes politiques italiens d'extrême gauche qui étaient actifs pendant ce qu'on a appelé les années de plomb. Donc l'expression des années de plomb, bon je vous fais un petit Italie des années 70 pour les nuls. Hein. Donc l'expression années de plomb désigne dans plusieurs pays une période historique récente marquée par la violence de l'activisme politique. Donc en fait, c'est sorti d'un film allemand de Margaret von Trotta, qui est en fait ce film qui est en fait donc le titre c'est Les années de plomb et qui a été Lion d'or à la Mostra de Venise en 81. Et en fait, cette dénomination des années de plomb, elle a d'abord servi à désigner les années 68 et suivantes en Italie, pour en fait signaler la fréquence du recours au meurtre lors des luttes politiques. Donc, pour revenir à Battisti, lui, il est arrêté en 79. La justice italienne retient alors que son appartenance au petit groupe armé. Mais suite à des lois d'exception, à des témoignages négociés avec les repentis, donc le principal accusateur de Battisti apparemment retrouve sa liberté. On lui colle sur le dos tous les actes des PAC, une soixantaine de braquages et quatre homicides, et il est condamné à la prison à vie en 88. En fait, entre-temps, il s'est évadé de prison en 81. Il a gagné le Mexique où pendant 9 ans, il vit là-bas en faisant des petits métiers, il écrit, il participe à des festivals du livre et il organise aussi une biennale apparemment de l'affiche à Mexico. Et en fait, il a été en fait jugé par contumace, hein, c'est-à-dire qu'il n'y était pas. Il n'était pas en Italie. Il était donc au Mexique quand il a été jugé et condamné. Et en fait, il dément les accusations donc, de meurtre. Quand Mitterrand accorde l'asile politique aux réfugiés italiens, il revient en France en octobre 90. Il se présente devant la justice. Et donc, il reste en France puisque la Cour d'appel de Paris le déclare non extradable le 29 mai 91. Donc, Jospin confirme l'attitude de la France en 98. Et en fait, Battisti reste à Paris, donc devient gardien d'immeuble. Il écrit des romans, donc par exemple, Les habits d'ombre qui est publié par on s'en fout en 92 et donc il en a publié une bonne dizaine depuis et voili voilou et puis en fait en 2004 il est à nouveau arrêté à la demande de l'Italie et en fait c'est parce qu'en fait la droite Chirac arrive au pouvoir quoi et donc malgré un super comité de soutien constitué de Fred Vargas, entre autres, dont Guy Bedos. Alors, je ne savais pas que Guy Bedos avait soutenu Battisti, on en apprend tous les jours. Et Georges Moustaki aussi. Super. Allez. Génial. Voilà. Et même l'abbé Pierre, t'as qu'à voir. Et en fait, il est extradable. Et tandis que ses avocats multiplient les recours, il s'enfuit vers le Brésil. Il vit là-bas en clandestinité jusqu'en 2007 et il se fait arrêter en 2007 et il est incarcéré 4 ans près de Brasilia. Il est libéré en 2011 puisque l'ex-président Lula da Silva lui... qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, on est super en retard, non ? C'est pas ça ? Il reste 30 secondes. Ouais, il reste 30 secondes. Bon, en gros, voilà. Donc, il est aujourd'hui menacé d'expulsion, alors que on lui avait dit qu'il pouvait rester donc au Brésil. Et donc voilà, il a eu plus peur que de mal, mais on attend les prochains rebondissements, quoi. Voilà. Et du coup, merci beaucoup. Et de rien du tout. Merci tout le monde. Et du coup, à la semaine prochaine. C'était La voix 100 mètres. Et maintenant, place à bricolage pour tous.